Ouvrir le bulletin de sport local et régional du 12 décembre en parlant qu'il y a eu une transaction importante qui est survenue cette semaine dans la Ligue du Lac au Fleuve. Donc, le multiconcessionnaire de Dolboom-Sissigny et les MGR Express de Jonquière. Donc, le multiconcessionnaire qui a obtenu les droits d'Alexandre Tremblay, Marc Simard, ainsi que le deuxième choix repêchage de la prochaine saison. En retour, les MGR Express ont obtenu Michael Larue, ainsi que le choix de première ronde au repêchage de 2019-2020. Le joueur clé, semble-t-il, dans la transaction serait Marc Simard, qui est un joueur qui a porté les couleurs des Castors de Dolbeau au milieu des années 80. Un joueur qui est extrêmement populaire, semble-t-il. Et Marc Simard, qui a quand même un certain âge, et on va lui parler aujourd'hui dans la section entrevue de DanRadioSport.com pour en connaître davantage, évidemment, sur ses motifs de jouer à son âge. Hier, puisqu'il est question de la Ligue du Lac au Fleuve, on a fait connaître hier les honneurs individuels de la dernière semaine. Donc, les trois étoiles de la semaine. La première étoile a été Alexandre Larouche avec une position de 2 buts, 1 passe pour 3 points. Cédric Dufour a obtenu la deuxième étoile avec une position de 1 but, 2 passes. Et la troisième étoile, c'est Frédéric Gagnon avec 3 passes. Maintenant, on va y aller avec l'Avalanche du Colorado hier qui a perdu contre les Oilers d'Edmonton par la marque de 6-4. Samuel Girard a été blanchi. Et comme à tous les semaines, je vais vous donner le classement POC selon le site internet classementpoc.com. Donc, on retrouve du côté des Rapides de Boom-Sissigny au niveau Bantam sont en 42e place. Les Patriotes de Saint-Bruno en sont les 17e, mais c'est les Ambassadeurs de Chicoutimi également qui sont en 64e place. Et au niveau Junior, on trouve les Sabres de Roberval au 20e rang. Les Éperviers de Normanette, à KE, sont deux places plus haut, sont en 18e position. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Benoît Lavoie, on fait le tour de ce qui s'est passé dans le monde du soccer. Également, puisqu'il est question de soccer, on a parlé avec Patrick Leduc, qui est un nouvellement acquis par l'Impact de Montréal. Patrick Leduc qui va faire partie du personnel et remplacer un peu Richard Legendre, qui lui a quitté pour la retraite. Le sport local et régional, à DanRadioSport.com.